cause ela, ha, oh. Yo, yo, yo. Rien à faire de tous ces rats qui mènent la danse du cacha, qui s'embrôle, qui cavale sur le dos d'un éléphant. Sans gorille, alors t'es prêt, le perroquet, pour te poser sur ma tête. Ouais, pour prendre, ouais, la tête. Allez, lâche-moi, ouais, t'es l'homme de crocodile. Et ouais, j'avance comme une tortue. Faute de griffes, ben j'mange du merle. Rien à faire de tous ces lièvres qui se la racontent avec ces dogs à moitié fouines. Sans compter toutes ces hyènes qui rient pour rien. Rien à faire de toutes ces taupes qui creusent pour rien. De tous ces hneches qui m'attendent sur mon chemin. Allez, crache-moi ton venin qui va me sonner pour la journée. Désolé, il m'en faut plus pour m'arrêter. Ouais, qui sait, cette cochonne t'as que de la chatte. Tu en chaleur, tu veux que je te pèse comme une chienne. Laisse tomber, ouais, c'est chaud la vie d'un ours qui veut son miel sans se faire piquer par les abeilles. Eh ouais, mon pote, voilà, allez, hop, on change de lien. Eh ouais, c'est Raz. Jingle.